Pour célébrer l'élection du maréchal Kim Jong-un en poste de président du Parti travail de Corée, les Coréens en Chine ont déposé le 11 une corbeille de fleurs devant le portrait empillé du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il dans le consulat général coréen à Shenyang en Chine. Y ont pris part les membres de l'Association générale des Coréens en Chine et de la filiale de la ville de Shenyang.